soleil de Satan, on reconnaît ses amis, les bons, les faux, les gens méchants, ceux qui t'aimeront sur toute la vie. De toute façon, ça fait pas de mystère, tu risques pas d'en oublier. Dès que tu te retrouves dans une galère, ils sont faciles à compter. C'est le soleil de tous les malheurs, celui qui te rendra impuissant. Et si tu lui ouvres ton cœur, tu te jettes dans la gueule du volcan. Des potes, on en a des milliers, un peu dans tous les univers. Bar à pute ou soirée privée, là, c'est la descente aux enfers. Dans un costume immonde, tu roules en BM emprunté le soir. Le soir, tu t'en vas faire la bombe. Des autres, t'en as rien à cirer. Aujourd'hui, ta femme s'est barrée avec les gosses et la télé. Aujourd'hui, ça te fait déprimer, mais c'est trop tard pour t'inquiéter. Tu dis que t'as compris, que t'as changé, tu feras tout pour te faire pardonner. Et si t'as besoin d'en parler, t'as plus personne pour t'écouter. Soleil de Satan, on reconnaît ses amis.